Un homme, une araignée, un lézard. Cette semaine, on a maté The Amazing Spider-Man et on en parle tout de suite. Alors, ma flatte, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à The Amazing Spider-Man de Mark Webb. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Mickaël. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Greg. Bonsoir. Et cette semaine avec nous, les deux grands gagnants du concours. On les applaudit. Deux HDP, voilà. Ouais, c'est un épisode en live, vous entendez les applaudissements de trois personnes. Bravo à vous, je vous bravo. Accueille, nous vous accueillons. Enfin, ça avec fait plaisir. Déjà deux semaines que vous dormez chez moi. Ouais. Jonas. D'ailleurs, t'as pas fait ton lit ce matin. Non, désolé. Etty. Ouais, j'ai pris une bonne douche ce matin aussi. Ouais. Ouais. T'as pas rangé les cantes, ouais, désolé. Le bain aromatisé était vraiment très bien, merci. On vous accueille tous les deux pour parler de The Amazing Spider-Man de Mark Webb, l'extraordinaire Spider-Man, titre québécois sorti en 2012 de 136 minutes avec Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Orangis. Ça commence dur avec la vanne là. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Cette vie n'est pas facile. Je me suis fait des ennemis. Des ennemis puissants. J'ai mis mes proches en danger. Mais il y a une chose qui m'a hanté. Durant toute ma vie. Je veux découvrir la vérité sur mes parents. Tu es un homme très recherché, Peter. Voilà, 136 minutes pour découvrir la vérité. Alors c'est pas du tout le sujet du film. Je sais pas pourquoi il y a ça dans la bande annonce. Je vais commencer par vous poser la question. Qu'avez-vous pensé de ce film, messieurs dames? Et je vais commencer par celui qui nous l'a proposé, à savoir Jonas. Bah, j'étais déjà très content de gagner, mais le truc c'est que j'ai dû le revoir, donc putain. Oui. Tu l'avais vu 10 fois en plus, hein, moi. Ah, bah, en fait, je suis doctorant donc, en Spider-Man. Vraiment, c'est le film que j'ai étudié pendant... T'as fait une thèse. Vous ne le voyez pas, mais il est venu avec la trouvable à la bibliothèque François Mitterrand, d'ailleurs, je sens pas. Bah, au monastère, on étudie que ça. Chez les moines trappistes. Alors, attends. Moi juste un petit mot sur Jonas parce que bah, vous avez gagné, donc on vous a sélectionné, vous étiez 3 en tout, hein, donc du coup on en a éliminé un. Jonas, moi quand j'ai entendu ton accent je me suis dit direct il gagne. Je suis un peu déçu, tu l'as un peu moins que sur l'extrait, ouais, sonore. Tu nous as un peu berné, tu nous as un peu eu là. Bah il est Roberto en fait. Voilà, moi j'aime bien les latinos, tu sais, c'est bon. Parce que belge normalement c'est Puntos, hein. Mais sinon plus t'avais pas la même voix en fait. Ah non. Oui, ouais. Parce que j'ai mûri depuis. Ah bah oui, c'est ça, c'était il y a 3 ans. En fait, t'as mué là. Oui, j'ai un peu mué. Mais oui, je m'appelle Ti et il faut dire que je suis une fille parce que c'est un peu. Ça s'entend pas, ouais. Ça s'entend. J'avais pas remarqué. J'aurais pu être un garçon qui n'avait pas mué. Donc oui. Voilà. Bon, alors, on en qu'as-tu donc... pensé de ce film? Alors, c'était la première fois que je le voyais et j'ai détesté. C'était horrible. Je regardais ça dans le train. Et... Mais bon, je suis quand même contente d'en parler ce soir. Ah bah voilà. Et ben alors. Greg. Fabuleux. Amazing. Sans toute la sincérité. Non, non, mais moi, en fait, déjà, j'avais pas compris. Parce que quand on a pioché Spider-Man, je pensais qu'on allait voir le premier. Il y a toute cette histoire de reboot et de trucs que ouais. Tu m'as expliqué, de licence que j'avais pas compris. Et je me suis dit, mais il craque complètement, là. Il y a 2 ans après, il refont un Spider-Man où c'était au début, alors que l'autre était déjà très très bien. Il faut le dire. Et du coup, et là, ils en font encore meilleur. Le mec, c'est son objectif. Fait. C'est bien déjà. Mais je pense qu'on peut faire mieux. Non, je sais pas, moi j'aime bien Spider-Man, mais là, je sais pas, c'est un peu tristoun. On dirait qu'ils ont un peu fait comme le Batman, tu sais, qui était gentil avant, enfin, tu sais, qui était très gay, et ils ont voulu en faire très un gay, peu plus. Batman, un peu plus dark. Ouais, un peu plus dark. Sauf que là, ah c'est bah, pas si celui dark. Avec George Clooney et ses tétons. Et ses tétons. C'est cache tétons, le voilà, personnage principal. Hein. Un peu moins coloré que l'autre, mais pas d'autre avis en fait. Voilà. Nickel. Ouais. Bah écoute, moi c'est la première fois que je le voyais également, j'avais jamais vu. J'avais vu le premier de Sam Raimi. Dont j'ai aucun souvenir. Et celui-là, je pense, me marquera pas beaucoup plus en fait. Moi, j'ai déjà oublié en fait. Ouais, bah, moi aussi, ouais. Je sais pas si je vais pouvoir en parler. Hein. Mm. Plus, ça parle de quoi? Alors, moi, je l'ai vu pour la première fois. J'avais vu le 2 dans l'avion, c'était déjà super nul. Le 2 du reboot, moi j'aime bien. Tu prends l'avion toutes les semaines, Antoine, en fait. Oui, oui, bah écoute, pour aller au travail, c'est plus simple, je suis à la gare de l'Est. Non, moi j'aime pas. Enfin, je déteste pas ceux de Sam Raimi, que je trouve pas mal. Celui-là, je l'ai vraiment trouvé à chier, mais oh, putain, tout est nul quoi. C'était horrible. Tout est nul. Et j'aime bien les films de super-héros, mais alors, celui-là est vraiment super raté. Mais toi, c'est plutôt Zorro ton truc. Tu regardes tous les samedis soirs sur la 3. Moi, c'est Zorro et Papa de Chousse que je conseille comme un super-héros. Très bien. Bah oui, parce qu'il regarde toujours FR3, il a que cette chaîne-là en fait. Alors, perso, moi j'aimais bien la première trilogie de Papa Chousse. La saison 3. J'ai la collection en DVD. Mais c'est vrai que moi aussi j'avais adoré. La trilogie de Spider-Man de Sam Raimi, mais celle-là c'est horrible, trop dark. Bon, alors un petit résumé peut-être. Je regarderai pas les autres, je pense. J'ai failli t'appeler Michel. Jonas, c'est mon deuxième prénom. Un peu, il a tous envie de le faire. Hein. Je vais retirer, là, ok, bah, du coup, c'est l'histoire de Peter Parker. Enfin, tout le monde connaît. Tout le monde connaît Parker. Enfin, c'est pas Jésus. Le gars il se fait piquer par une araignée, et puis. Voilà. Ah, t'as un peu l'accent là, ça y est, ça revient. Pas un petit effort, ça revient. En fait, dès que t'en as marre, t'as l'accent, c'est bon, oh, bah du coup, c'est bon. Oh, hein. Lâche mon identité, je suis bien là. Non, mais il se fait piquer, dès qu'après, son oncle et tout meurt. Fin... Ah non, c'est un peu compliqué à résumer parce que il y a plein de trucs. Le résumé, c'est tout un art. Hein. Ah oui, c'est vraiment. Tu peux demander à Mickaël. Putain, là, on dirait un résumé de Mickaël. Tu commences plutôt bien, quoi. Okay. Il se fait piquer par une araignée. Par une araignée, en fait. Qu'est-ce qui se passe quand on se fait, voilà. Alors, il a des pouvoirs magiques d'araignée qu'il fait sortir. Alors, c'est pas magique. C'est génétique. C'est génétique, comme oui. C'est un peu scientifique, tout ça. On a un scientifique à la table, il me semble. Effectivement, je suis docteur. Et du coup, ses parents se font tuer. Je vais t'aider. Ouais, merci. Je vais t'aider. Ses parents se font tuer, et vu qu'il a des pouvoirs d'araignée et que ses parents ont été tués, enfin, ou son oncle se fait tuer, et ben il va décider de les venger. Et du coup, il va mettre son pouvoir à profit pour buter les lézards. Voilà. Mais non. Parce qu'il s'avère qu'au même moment, il s'est jamais rien passé sur cette terre de surnaturel, mais au même moment, dans la même ville, à deux jours d'écart, il va se passer deux trucs super surnaturels. Quoi. Mais ça tombe bien parce qu'il y en a un qui va détruire l'autre. Si on compte la mouche. En plus, le mec a fusionné avec une mouche, mais l'autre il est crevé dans sa machine. Donc... il a pas fait chier la moitié de New York. D'ailleurs, hein. C'est ce que je me suis dit. Il a de la chance hein, quand il se transforme en araignée, parce que pour le gars de la mouche, ça s'est pas aussi. Passé, ah, quoi, non, c'est clair. Il a pas les super pouvoirs. Enfin, si, il est plus costaud quand même. Bon. Non, puis c'est un peu tous les trucs des pouvoirs. Tu sais, genre tu te fais piquer au lieu de faire un œdème et de mourir. Tu sais, genre ça te file juste des super trucs positifs. Tu sais, y a rien de négatif. Quoi. Ouais, enfin, à un moment dans le film, il regarde son cou. Je me disais putain, il y aura une pustule de malade. Non, c'est un petit truc. Non. Enfin, y a rien de négatif. Le mec, il ressemble quand même à un lézard. Quoi. Donc, dire pour pécho, c'est quand même plus compliqué. Quoi. Oui, alors après pour rentrer. Oui, parce qu'il y a certains endroits. Après, tu peux plus rentrer en lézard. Tu peux plus faire les rooftops à New York. Tu peux plus rentrer. Bah toi, tu le sais, t'étais à New York. J'ai jamais vu un lézard dans un bar ou un rooftop. Hein. Bah, parce qu'il les laisse pas rentrer. Oui, c'est ça. Le film s'ouvre sur un petit enfant qui fait cache-cache avec papa. Bah, avec personne surtout. C'est la meilleure partie de cache-cache du monde. Hein, il est tout seul. Il joue tout seul et puis ensuite son père il se fait attaquer, il se fait voler des documents, on comprend pas très bien. Non, c'est mystérieux au début. C'est un début très mystère. Bah, en fait, ficelé, non mais ficelé, hein. Et ça sert dans tout le film. Hein. C'est un truc ouf. Hein. Alors, ils ont quand même, les parents ont quand même pris la peine d'installer un balai avec des fausses paires de chaussures derrière un rideau. Moi j'ai trouvé ça malin quand même. Mais oui, mais qui a mis ce putain de balai? Parce que son père il joue trop avec son fils. Ça nous emmerde. Bon, on va quand même faire ça. Ça va l'amuser deux minutes. Qu'est-ce qu'on va faire avec le petit Peter? C'est bon, il compte jusqu'à 100 là. Bon, Peter, tu comptes jusqu'à 2000. Hein. Bon, on va mettre le balai et les pompes. Et moi je vais aller faire autre chose. J'ai la pelouse à tondre là. Donc on comprend que ça se passe pas bien puisque ses parents vont l'emmener vivre chez Tonton. On sait pas combien de temps il doit rester, mais... Son tonton qui ressemble un peu à Donald Trump, j'ai trouvé. Ah putain. C'est vrai. Ouais. Est-ce que vous savez, du coup, je vais faire les anecdotes cinéma. Ouais. Vous voulez une anecdote? son tonton qui est interprété par Martin Sheen. Oui, qui a joué qui dans... Qui est le père de Charlie Sheen, qui a joué dans Apocalypse Now. Ouais. En effet. D'accord. T'as des anecdotes, dis donc. Voilà. Oui, bah, j'ai préparé. Anecdote acting. Et donc, Peter va vivre chez son tonton. On comprend que ses parents vont disparaître dans un mystérieux accident. Au début, tout est mystérieux. Ouais. Ouais, mmh. Non, mais c'est bien ficelé là-dessus. Hein. Là, il pleuvait et tout. Moi, ça faisait vraiment peur. Ouais. Oui, il pleuvait. Ah, oui, oui, oui, oui, il y a un changement d'orage. Cache-cache soleil. Tristesse orage. Assez brutal. Et très vite, il va devenir ado. C'est ça ce qui se passe, non? En 3 jours. Au début, quand il est ado, tu comprends pas bien parce que. Il est à la fois bisu, à la fois sûr de lui, tu sais, il se fait frapper par les. Ou, qu'un sens, il est trop mal écrit le personnage. Et à la fois bisu, et en même temps un petit peu serein, il a 17 ans, il est au lycée. Et alors, tu sais, il y a la fameuse meuf qui l'alpague en faisant ah, Peter, t'es photographe? Ouais, ça te dirait de prendre en photo la voiture de mon mec. Mais qui fait ça? Bah, personne. Après, elle veut encadrer la photo. Non, mais c'est pour ça que là-dessus, il est bisou, parce qu'il est bisou, il se fait bisuter, genre, ouais, viens prendre la photo de. Il y a des mecs qui baissent sur son casier aussi, puis il ose pas leur dire, pouvez-vous pousser? Mais à côté de ça, alors, à ce côté, Parker Lewis, tu vois, avec sa chemise ouverte surtout. Et avec ses gants, tu sais, les gants prolongés du pull, là. Les gants prolongés. Tu sais, les trucs. C'est les gants masques qu'une araignée, en fait. Les trucs à la Avril Lavigne là, tu vois. Bah, à un moment, tu veux dire ça, marqueur, ce que je porte aujourd'hui en fait. Oui, bah ça va mal avec ton porte-jartel, mais en tout cas. Parce que moi, par exemple, moi j'ai trouvé en même temps, c'était un bijou, mais il a un peu des manières de beau gosse. Enfin, c'est un photographe, il du skate. Ouais, c'est ça le problème. Moi je l'ai trouvé super mignon et. Et alors, je me dis, c'est vraiment un mauvais bisu, quoi. Par contre, il va se faire dominer par le mec qui a le plus de testostérone du lycée. J'ai nommé York, Flash. Flash. Flash. Il s'appelle Flash. Avec Eugène. Alors, Eugène, en fait, à la base, il n'est pas étudiant au lycée. On lui a demandé de venir. Bon, l'idée d'Eugène, c'est que tu humilies des gens. Hein. Voilà, à chaque pause. Pourquoi Eugène? Il s'appelle Eugène. C'est son maman. C'est sa maman de l'appeler comme ça. On n'a pas d'autres infos là. Mais si tu l'appelles Eugène. Je comprends qu'il a un pseudo. Si tu l'appelles Eugène, ça le fait monter en tout. Gordon, c'est bon. Allez, mange-les. Hey, Parker, amène-toi, prends une photo, vas-y. Non, je prendrai pas ça en photo, c'est bon. Mais vas-y. Repose-le, s'il te plaît. Gordon, non, mange pas. Fais la photo, Parker. Repose-le, Flash. Fais la photo. Vas-y, dépêche, repose-le. Eugène. Hey, mec. Allez, debout, Parker. Allez. Lève-toi, je te dis! Lève-toi! Compte pas sur moi pour la faire, cette photo! Eh ben, reste couché, Parker! Qui en veut encore? Qui en veut Flash encore? Flash! On se voit toujours tout à l'heure après l'école, chez moi à 15h30. À la fois beau gosse et bisu. Ouais. Alors un truc que je comprends pas, c'est. Oh, bon, déjà, vous avez remarqué, c'est Flash qui tape sur Gordon. Flash Gordon. Ouais, c'est marrant. Ouais. C'est déjà drôle. Il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'au début du film, bah, c'est Gwen Stacy, là. Donc, c'est la meuf, la future meuf de Peter Parker, celle qui va pécho sans rien foutre. Elle va voir Flash en disant on se voit toujours ce soir. C'est-à-dire qu'avant, Flash, il sortait avec Gwen Grand Stacy. Classique. Non, elle Grand classique. Mais je crois mais qu'il est allé pour les devoirs, non? Exactement, il fait les cours de rattrapage. Bah, c'est comme peut-être Flash. Pour l'empêcher de le taper aussi, quoi. Je sais pas. Bah, c'était pas. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment un cercle de 30 personnes qui sont là, genre Flash, Gordon, mange les boulettes, mange les boulettes, mange les boulettes, qui mange les boulettes. Et il y a un truc qui est trop marrant, c'est que Flash, il s'adresse qu'à Peter Parker pour lui dire prends une photo de moi en train d'humilier un gars. Et ce qui est trop marrant, c'est que l'autre, il a un putain d'argentique, tu sais, genre ah bah tiens, je vais faire bien développer la photo dans mon labo à la maison. T'sais. Mais surtout, ce qui est marrant, c'est qu'en général, enfin, on a tous été à l'école et on a tous vu des bisous, enfin sauf Antoine, on a tous vu des bisous. En général, les mecs, ils se font juste taper sur la gueule, ils se font pas bouffer les boulettes en pendu par les pieds sur la table de pique-nique dans la cour de récré. Quoi. Enfin, ouais, mais ils ont eu où ces boulettes? Mais c'est quoi cette histoire de boulettes là? Je comprends ça, pas. Ça, c'est les stats, hein. Tu peux manger des boulettes à la récré tranquille. Tu veux dire des meatballs, des boules de viande? Surtout qu'il est tout seul à manger, quoi. Y'a personne. C'est ça. ça en plein milieu. Mais peut-être, en fait, on sait pas, mais ça se trouve, Gordon, il mérite sa correction. Ouais, en fait, ouais. Il est teaser, il doit suivre un régime strict et il veut pas manger ses boulettes. Oh, ça. Régime protéiné, ouais. Peter Parker rentre à la maison. Moi, je les aurais fini, les boulettes. Hein. Mais, même, alors, Emma Stone en VF, elle a carrément une voix de fumeuse de 30 ans, là. Elle a pilier de barre. Non, mais là, moi, j'ai cru qu'elle allait dire allez, on fait les devoirs après. Non, mais elle a habillé comme une mémé tu déjà. Tu passes à la maison, mon chou. Une petite Stella. Alors, après, Peter va rentrer à la maison et dans son grenier, il va trouver, comme par hasard, une vieille valise, une vieille mallette appartenant à son père, avec dedans une paire de lunettes. Et ouais. Alors ça tombe bien puisqu'il bah, est... va bien. Il a exactement la même correction que son père. C'est sympa son fils pour rien. Et son père, il avait déjà des lunettes de hipster il y a 10 ans. Ouais. Mais c'était pas bien. À la mode à l'époque. Maintenant modes... elles le sont, mais c'est-à-dire qu'elles étaient pas les modes. Les modes reviennent ouais. Sans cesse. Et il découvre plein d'équations et il est très content. Il comprend tout de suite d'ailleurs, il n'y a pas trop de secrets pour lui. Et autant c'est mystérieux au début, autant quand il lit des équations, là il n'y a pas trop de mystère. Et là il fait putain, c'est bizarre et tout, ça doit certainement être quelque chose de génétique. Alors il a un fond d'écran Gwen Stacy, ça c'est assez stylé. Ouais, c'est stylé, ouais. Bah, y en a plein d'autres qui l'ont aujourd'hui. Hein. Ouais. C'était un précurseur pour le coup. Mais. Et là il y a un montage, c'est le premier montage, c'est le montage recherche sur la mort de ses parents. Et donc là il va un peu paniquer. Bah oui, parce qu'il va découvrir que son père est mort. Il l'a jamais vu. Ah putain, c'est pour ça qu'il est pas là depuis 12 ans. Non, et alors là en fait, il va qu'il y a Google. Hein. Okay, ouais, justement, il a jamais pensé à regarder le son et là c'est le fameux montage où c'est quoi, comme tu vois, il tape des trucs sur Bing parce que c'est pas Google, c'est Bing. Alors, c'est pour ça qu'il a pas trouvé. Et là, il cherche des trucs et tu sais là ça flash super vite. Des images, des coupures de journaux et tout, et il y a en plein milieu, il y a une coupure de journal, c'est écrit genre en première page, Martha et Philippe Parker meurent dans un accident d'avion, tu sais, genre. Bah c'est qui, pourquoi les mecs, pourquoi les mecs font la première page, c'est normalement c'est normalement bah, ça doit être le journal régional, mais surtout qu'est-ce que ça fout dans la valise que son père a paqué lui-même, quoi, genre il a paqué sa mort, ça veut dire quoi. Surtout normalement c'est un vieux truc dans une colonne en page 28 dans la rubrique nécro, t'sais. Là c'est genre la home page de Libération, c'est Martha et Philippe sont morts dans un accident d'avion domestique. Alors après, je sais plus comment il va aller dans la tour de 108 étages. Il va aller visiter la tour du futur. C'est souvent une tour de méchant d'ailleurs. Ouais, dans les films. Là pour le coup, c'est la tour de méchant. Ouais. Même si en vrai, il est pas vraiment méchant, mais il le devient. Bon, bref, peu importe. Et il retrouve Gwen Stacy. Oui, parce que la fille du lycée. Ouais, il faut savoir qu'il le reconnaît pas du tout. Ouais. Il avait un stage et il avait piqué une carte. De stage et je me demande pourquoi personne lui a demandé sa carte d'identité. C'est d'ailleurs incroyable. Il prend le nom de Rodrigo Guevara. Je crois qu'ils ont fait un concours pour savoir le nom le plus. Mamadou Sakho. Alors ce qui est marrant, c'est que la fille du lycée, elle est quand même. Elle travaille là dans la tour, elle connaît tout le monde, elle connaît très bien le professeur. Ah oui, non, elle est très très bien intégrée. Elle a son CDI, tranquille. Elle est au lycée et c'est la numéro 2 du plus grand scientifique de la ville, quoi. Elle est multicasque. Là, on comprend pas trop. Et en plus, elle est bien en infirmière sexy. Et le pire, elle c'est que son père est policier, il est pas scientifique, tu vois, donc ça n'a aucun. Donc elle s'est pas fait pistonner. Eh bah non. Eh bah, c'est quand même bizarre. Et donc, là, encore un autre truc, c'est que c'est les gagnants qui viennent visiter le labo. Bah, c'est comme le concours de HDP. Voilà. On réapplaudit. D'ailleurs, Antoine est habillé en infirmière sexy. Et donc. Merci, professeur Michael. Ces élèves de terminale vont visiter le labo. Et le méga professeur, on devine déjà qu'il est méchant. Le méga professeur vient parler aux élèves de terminale qui n'ont. Bah, tout de suite, c'est pas parce qu'il a un bras en moins qu'il est forcément méchant. Hein. Ouais, non, mais c'est comme si le mec il avait pas souvent ça crée la haine que de recevoir les terminales, genre ah vous êtes en stage de terminale, bah trop bien, bah je suis un méga professeur, mais j'ai quand même pas du temps pour vous parler parce que c'est pas que j'ai des expériences à faire, mais je veux plutôt vous parler de mon bras et vous faire des blagues avec ma petite assistante qui est là, bon, pas beaucoup parce qu'elle travaille beaucoup au lycée, donc elle est que 2-3 heures par jour, en plus elle donne des cours particuliers à Flash, là l'emploi du temps. Et alors il y a un truc aussi, c'est que le docteur Connors, on l'a déjà vu dans 2 heures de perdu, cet acteur. C'est très très dur à deviner. Ouais. Il était souvent tout nu et très chiant et on s'est foutu de sa gueule. Attends. Notting Hill, non? Exactement, c'est le coloc dans Notting Hill. Le coloc de Notting Hill. Ah ouais, t'as raison. Ouais. Okay. C'est pas le cas dans l'humanité. Mais ça, en fait, ça a vraiment perdu un bras entre temps. Mais oui, un accident d'avion. survenu sur le tournage de Notting Hill 2 qui n'est jamais sorti. Et alors du coup, le docteur Connors, donc l'éminent scientifique, il est bien sympa parce qu'il descend voir les étudiants, donc normalement il en a rien à foutre. Et il va poser une vieille question générique mais en même temps super précise sur ses études, genre comment ferait-on pour me faire repousser un bras? Donc, putain, c'est vague quand même là. Ta question? Répondez. Il lance des perches, on sait jamais. Peut-être que le futur docteur Connors se trouve parmi les élèves. Et oui, puisque Peter Parker a la réponse. Mais à côté de cette question très pointue, il dit que des banalités, c'est comme des simplicités pour la visite, tu vois. Bon. Et alors derrière, un truc qui est trop marrant, c'est qu'ils sont au milieu d'une espèce de grande salle qui a un grand labo avec plein de gens qui bossent et tout. Eux, ils sont en blouse, mais les élèves qui visitent sont pas en blouse, mais ça c'est pas grave. Ouais. Et surtout, elle fait bon alors maintenant, le docteur il est parti. Je vais vous montrer une présentation. Elle a une sorte d'hologramme en 3D avec du méga son qui sort de partout, mais ça dérange pas les mecs qui bossent. C'est classe. Et là c'est un petit malin Peter parce que il va se faire la malle. Pourquoi il va se faire un mal? Parce qu'il y a un mec qui va faire tomber un dossier. Un Indien. Et c'est pas n'importe qui. Ah oui. Qui est scientifique et qui a un accent indien aussi. Ouais. Ouais. Et on l'a déjà vu aussi cet accent, cet Indien. Jurassic Park, non? Exactement. Ah ouais. Je suis trop forte. Comment tu sais ça tout? Je traîne souvent sur Wikipédia. T'es très physionomiste quand même, parce que moi je l'avais pas reconnu. Mais enfin, il y a toujours un Indien dans la ville. Ah non, là c'est le même. Oh, c'est avec son édito dans Jurassic World. Ah oui, ouais. D'accord, c'est celui voilà, qui était dans Jurassic World. Okay. Mais c'est marrant parce que c'est toujours le même rôle. C'est-à-dire, c'est pas un scientifique, c'est un mec qui est hyper riche et qui a racheté le labo. Voilà, c'est lui qui a la thune en fait, c'est lui qui tient le truc. Ouais, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on le reconnaît parce qu'il a l'air très méchant et puis il transporte les dossiers de plus grande importance sur des feuilles volantes au milieu du truc. Et qui fait tomber devant Peter Parker. Où tu vois bien le logo rouge. Top secret. Alors, en général, il faut savoir que dans la vraie vie, hein, c'est Dieu, quand tu heurtes quelqu'un et que tu fais tomber ses affaires, en général, il y a des excuses de partout. C'est pardon, monsieur. Excuse-moi. Non, là, il dit rien. Le mec, il le fixe avec un regard de tueur, Peter Parker. Et en mode, je sais ce que t'as. Ouais. Franchement, ça met la puce à l'oreille. Hein. Ça va mettre l'araignée dans le cou. Oh, oh. Alors, ouais, qu'est-ce qui va se passer alors? Là, c'est quand même, il faut expliquer. Donc là, il s'esquive et va un peu dans une petite salle à part. Il y a un code et tout. Le mec, il a des jumelles quoi. À la place des yeux, c'est pas possible. Oui, c'est pas encore fait piquer. Il a déjà des super pouvoirs. Ouais, donc là, comment il tape le code quoi, je sais pas. Mais... Et alors, il va se faire. Il va arriver dans un endroit du futur avec des machines, on s'en fout, on explique pas. En gros, c'est des néons bleus. Quoi. Attends, si, on explique un petit peu. Parce qu'il arrive dans un laboratoire tout noir avec 150 000 araignées. Ouais. Et le mec, il se balade tranquillement. Moi, je serais parti avec depuis des néons bleus. Et oui, voilà. Ouais, c'est vrai qu'on dirait un peu une épreuve de Fort Boyard, quoi. Oui, il y a des araignées partout. Et lui, il est là, il cherche. Il y a la boule et tout, il y a le mec. Et là, il arrive. Il fait un combat de boue. Et il se fait piquer. Voilà, il se fait piquer par une araignée. Surtout, il y a un système. Pour faire tomber les araignées sur les gens en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Il appuie sur un petit truc, paf, tout le monde tombe. Et puis il a de la chance de se faire piquer par une seule araignée parce qu'il y en a 150 qui lui tombent dessus. Hein. Mais surtout, ça m'étonne aussi que ce soit le premier à se faire piquer quoi. Oui, parce que c'est quand même vachement facile de rentrer là-dedans. Oui. Oui, alors personne s'est jamais fait piquer. T'sais. Et surtout, en plus, il y a un côté pas du tout unique dans Spider-Man. Parce qu'en gros, il suffit qu'il y ait un deuxième Manos qui se fasse piquer. Voilà, et... Ouais, putain, moi aussi, je suis Spider-Man. Je suis Spider-Man. Ouais, les gars, c'est toutes les araignées, il y en a 2000. Et après ça, t'as que des Spider-Man. T'imagines comment c'est chiant après à gérer la société. Oh, heureusement que le chevelu, là, qui a fait son braquage, il n'a pas été piqué par une araignée. Hein. Il allait plus loin. Bon, et ben, il se rend vite compte qu'après sa piqûre OGM. C'est le meilleur passage dans tous les films de super-héros, c'est le moment de découverte des pouvoirs. Ouais. Il y a quand même un côté. Ils étaient déjà très cool dans le film de Sam Raimi. Et alors là c'est extraordinaire. Ici, il y a une première découverte des pouvoirs. L'idée, c'est de latter des clodos, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu sais, le premier pouvoir, c'est qu'il s'endort instantanément dans le métro. Ouais, voilà, c'est ça lui met un petit coup de barre. Ça lui met un petit coup de barre. C'est un coup dans la tête. Hein, ça. C'est, voilà. C'est comme Mr. Bean, il fait pas exprès de les taper. Alors là, je comprends pas. En fait, mais oui, pourquoi le super pouvoir de l'araignée. C'est apprendre le kung-fu. Fait que tu vas mettre des coups en avance et tu vas comprendre ce qui se passe. Et mais après, c'est vachement handicapant dans la vie. Imagine, il y a quelqu'un qui vient de faire une blague, te cacher les yeux derrière. Et surtout, ça tombe bien qu'il ait eu cet entraînement sur des clodos qui étaient un peu méchants et pas sur Tante May, quoi. Le réflexe, pam, l'œil. Oh putain, pardon, Tante May. C'est limite après, c'est limite quand il rentre à la maison. Ah oui, oui. En fait, faut quand même expliquer un truc sur cette scène, c'est qu'en fait, il prend le métro, il s'endort instantanément, il s'allonge carrément sur un fauteuil du métro. Ça, c'est propre, n'hésitez pas à le faire d'ailleurs. Ah oui, moi je l'ai fait à New York, je fais comme ça. Et du coup, il y a des mecs qui arrivent puis qui s'amusent, ils sont un peu bourrés. Tiens, on va lui mettre une bouteille de bière sur le front, il ne sent rien, par contre, la petite. goutte d'eau qui ruisselle le long de la bouteille et qui tombe sur son front, ça le réveille instantanément et il tape sur la gueule de tout le monde. Mais non, mais là surtout, il saute au plafond d'un coup. Ah oui, parce qu'il réagit ça. Ah oui, voilà, c'est bon. Et la meuf, elle est là, genre, oh putain, j'ai de la bière sur le t-shirt. Un mec sur le plafond. Et personne se dit, c'est bizarre quand même. Même après, il arrache la rambarde du micro du métro. Ah oui. Et c'est quand il fait, Walker, casse le métro, fils de pute. Ok, il fait, putain, il est costaud là quand même. Les mecs insistent quand même sur la bagarre. Quand le mec s'est approché au plafond, vas-y, je vais quand même le défier quoi. T'as touché le t-shirt de ma meuf. C'est bizarre parce qu'il est accroché quand même. Après, il va rentrer à la maison. Il va faire un truc qui est marrant, c'est qu'il y a une mouche qui vole. Effet sonore. Effet sonore, je sais pas si Greg travaille dans le son, mais à ce moment-là, genre les mecs qui font ça en son font, on va bien faire entendre qu'il y a une mouche quoi. Le truc, il est super fort. C'est un frelon en fait. Et là, il chope la mouche, et moi je fais, bah, genre, il va pas la manger quoi. Bah, il a un milliard de réflexes d'araignée, il la chope, et après ça, il fait, allez, envole-toi petit araignée. En même temps, normalement, il la gobe, en plus, il est censé crever la dalle, tu sais. En même temps, dans la mouche, il mange pas du caca. Hein, Ah caca, c'est important ça. Ah, ouais, toujours ah, fallait que je dise ce mot, je l'aime. C'était denté. Et là, il arrive. Et là, il surprend tonton et tata. Bah, d'ailleurs, en fait, non, mais juste, il me fait penser, c'est marrant parce que il se fait piquer par une araignée. Effectivement, il se transforme pas en araignée, il a juste des super pouvoirs alors qu'il aurait pu tisser sa toile dans le grenier puis rester tout le long du film. Il aurait pu juste ça, quoi. Ah, puis on sait. Non, mais je pense qu'il faut faire tout de suite le point transformation là. Oh. Attends, Peter, parce que... Peter, attends, parce qu'est-ce que tu fais dans le grenier? Juste avant de commencer à tout casser, il a très très faim. Désolé, je suis en retard, j'ai eu un... Nous étions morts d'inquiétude. Je sais, je suis désolé, je me suis... C'est une mouche, Peter. Je suis vraiment désolé, je vous ai obligé à veiller. Je suis égoïste, je suis irresponsable, et je suis infamé. Van Buren. Il est ivre. Quoi ça? Non, j'ai pas l'impression. C'est ton pain de viande? C'est le meilleur pain de viande de l'univers. Quelque chose ne tourne pas rond. Eh oui, personne n'aime ton pain de viande. C'est bon, j'ai... Alors voilà, hein, il rentre à la maison, il a l'air un peu éclaté et il a très très faim. Personne se dit. Il a fumé un pédo. Il a bédave ce fils de pute. Vous n'avez pas noté cette petite musique là? Bizarre. Non, mais il y a un phénomène dans ce film, c'est que les gens voient des trucs de ouf. Genre, il arrête une mouche d'un coup, mais ils sont là, genre, oh mon pain de viande, putain. C'est genre une Jurassic Park, mais inversée. Ouais, Barack Obama fait des trucs ça de aussi, fou, mais ils s'emballent. Attraper une mouche, Barack Obama fait ça aussi. C'est pas un moment, je vais pas ça, faut être allé aux États-Unis, mais toi, Michael, tu pourrais nous en parler. De l'attrapage de mouche, ouais. C'est très courant là-bas. Ils sont très forts. Non, mais à un moment, ils disent c'est le meilleur pain de viande de l'univers. Le pain de viande, c'est pas bon. C'est vraiment dégueulasse le pain de viande. Bah toi tu le fais très bien pourtant Antoine, parce qu'il dit que c'est sa grand-mère qui le fait le mieux, mais le tien est très bon. Hein. C'est vrai. C'est vrai. On confirme. C'est vraiment, Et alors là c'est, je sais pas, c'est pas ses grands-parents, ils ont une réaction genre putain il est bizarre et tout, ton pain de viande et tout, mais putain personne s'inquiète là, il rentre super tard, il a l'air démoli le gars, il prend la moitié du frigo, il bouffe un gratin de pâte congelée, tu sais, ils sont pas. Ils sont dépassés, moi je sais, ça se voit qu'ils sont dépassés. C'est vrai qu'ils sont dépassés. Ils sont dépassés, lui il l'est pas trop parce que demain, le lendemain, il retourne au collège. Attends, mais juste avant, il a la turbo force. Ah bah, il faudrait faire le point transformation. Ouais, le point, parce que je comprends pas comment une araignée te peut donner des pouvoirs, mais pourquoi est-ce qu'elle te donne la force? Une araignée c'est absolument pas fort, je veux dire, pourquoi ça décuple sa force? Bah, c'est super costaud une araignée. Attends, bras de fer, araignée fourmi, l'araignée c'est gagne, c'est sûr. Et c'est pareil dans les Spider-Man, logiquement ça sort de ses veines les toiles. Mais là il est obligé de les créer, ouais. Ouais, il a faut c'est construire tout nul, un truc dans la BD c'est comment d'ailleurs? Dans la BD c'est lui qui crée le dispositif ou c'est que c'est naturel? Connaissant Marvel, il y a dû avoir 19 BD différentes qui expliquent ce truc. Donc, anecdote, ils ont voulu faire plus réaliste en foutant une technologie comme ça. Hein. Ouais, mais c'est vachement moins safe que si quand ça sort de tes veines, parce que plus réaliste, ça peut claquer et tout quoi. Ouais, mais surtout qu'en plus, c'est des piles de montres, ça coûte la Surtout, il n'y a pas de recharge. Il fait pas les recharges, encore t'as plus de fil, tu fais comment? Alors il a pas intérêt à se balancer. Bah ouais. Il tombe en panne de fil. À chaque fois il en prend que deux et à chaque fois, il est mort. Alors, donc le réveil méga force, il va tout casser. Donc là c'est pareil, c'est, il casse des trucs, mais ça a pas de sens. C'est à dire que il prend la poignée et bam, la poignée s'en va. Tu sais, personne lui dit. Il y a aucune résistance de la porte, il y a rien. Ce qui est marrant, c'est qu'il casse en fait la poignée du robinet. Donc il y a l'eau qui gicle, il revient le soir, il y a pas d'inondation. Oui, il passe à autre chose. Mais c'est comme ça, Hostage, ça passe à autre chose au bout d'un moment. Ouais. Et là, il va y avoir le montage sur les docks, justement, où là, il va vraiment entraîner ses pouvoirs. Mais il rentre pas au collège d'abord ? Ouais, non, c'est d'abord au collège. D'abord, il va au collège. Ah, non, mais là, ouais, il a deux heures de perm. Qu'est-ce qu'il fait au collège ? Bah, il fait une vengeance. Il fait une vengeance. Ah oui, avec la... Ah non, le basket. Ah non, le basket, ah, c'est oui. après. Ah, c'est après. Ah ouais, c'est après. On va en parler de ça aussi. Mais donc là, il est au dock tranquille où il fait du skate. Il y a personne hein, sur les docks, ça tombe bien puisque c'était le premier maître. Il regarde les documents sur le toit. Non, c'est ça en fait. Ouais. Et après, il va au lycée et là, il y a le basket. Donc c'est après. Non, mais avant, il s'entraîne dans le port. Hein oui, d'abord, les hangars. Il s'entraîne dans le port. Il va y avoir deux scènes. Une où il fait sur les docks et une où il fait 18. Il va faire du skate sur les docks, il y a personne, il s'entraîne, blablabla, il est content. C'est le premier maître, pour ça, il y a personne. Attends, il a quand même. Enfin, il y a un autre pouvoir qu'il a gagné grâce à l'araignée, c'est de faire des très beaux 3-6 flips. Et ça, je pense qu'il les faisait pas avant. Et en plus, parce que les araignées font ça. Dans ce montage pouvoir, il y a des trucs où il va grimper, genre Spider-Man et tout, trop stylé. Et il y a un moment, il va faire genre des nollies et tout, mais on s'en bat les couilles qu'il fasse du skate. En fait, t'as le soir, c'est Tony Hawk qui l'a piqué. Et en plus, c'est complètement cheaté parce que tu sais, en fait, on voit qu'il peut accrocher des trucs avec ses mains, ce qui permet à machin. Et genre là, sa planche, elle reste accrochée à ses pompes, mais il a gardé ses pompes. C'est... Ouais, comment il fait ? Même dans le métro. Bon, bah bref, en tout cas, moi, je trouve ça assez étrange. Et là, il y a un mini montage aussi où il va rechercher ce qu'il a sur internet. Et il va taper piqûre d'araignée dans Google ou des trucs comme ça. Piqûre d'araignée OGM. Mais là, en fait, mais toi, tu fais ça, tu sais, tu vas sur Doctissimo, un forum, et tu fais putain, je crois que j'ai une leucémie. Je pense que j'étais empoisonné. Quoi. Putain, je crois qu'il me reste 4 jours à vivre si j'en crois Gwendoline. Gwendoline 94. Et ensuite, il va passer voir Connors, avant encore l'humiliation du basket, il va passer voir le professeur. Où là il va y avoir, où il va lui donner l'équation parce que du coup qui est juste. Ouais, et lui Connor, il fait aucune vérification, il regarde l'équation, il fait waouh. Putain, pas mal hein. T'as fait ça comment? Et lui regarde, il fait dans la tête coco. Et là il se dit pas putain, le gamin de 17 ans qui a jamais fait ça, comment il a fait pour trouver l'équation quoi. Et c'est à ce moment-là que c'est le fils de Parker. Ouais, il lui a dit ouais. C'est pour ça qu'il a laissé rentrer dans sa maison. Et alors là vient la scène de l'humiliation par le basketball. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Bah, il y a une classe de son collège, dont Flash, qui joue au basket. Il est lycée, hein, je crois. Ah, c'est lycée. C'est lycée, non ? Ouais, c'est lycée. Enfin, oui. Après, il est bilingue, confond. Bah oui, voilà, c'est exactement ça. Bien sûr. En plus, le collège, c'est la fac. Ouais. Ah, mais il est pas à la fac. Non. Ah non ? Non, il est au lycée. C'est pas parce qu'il a 32 ans que tu dois... Non, il est en première S1. Enfin bon bref, il y a sa classe qui joue au basketball, dont Flash, qui est le gros méchant, enfin le testostérone du lycée. Et en fait, il humilie absolument tout le monde. Et il se trouve que Peter Parker chope la balle et il met la pression sur Flash. Et il humilie Flash en retour pour se venger. Il met un panier de ouf, il défonce tout. Par contre, il a marché sur le panier, il n'est pas valable. Il dribble pas. Surtout, il fait ça pour protéger une nana qui était là, putain, Flash, t'as foutu une balle dans ma peinture, mais le peignet sur un terrain de passe. Non, mais il faut n'importe quoi. Non, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Mais elle est drôlement conne, elle aussi. Hein. Non, mais déjà, elle peint sur un terrain de basket. Il y a un mec qui bouffe une boulette. Qui bouffe des boulettes dans la cour. C'est n'importe quoi. Non, mais en plus, là, le ballon de basket, il roule au sol et il renverse un pot de peinture bleue. Déjà, c'est trop. Bah, déjà, tu sais, ça tombe sur le parquet du basket. Je peux te dire que tu te marres pas du tout. Ouais. Et là, ça tombe sur sa pauvre banderole à 3 francs. Donc, normalement, t'es super content que ce soit tombé sur la banderole. Ouais. Et là, elle fait, je suis sûr que t'as fait exprès, Flash. Bah, trop pas, tu sais, il joue au basket. Et là, il va se faire humilier. Ah, il se fait humilier. Bah là, c'est plus Peter Parker, c'est Tony Parker. Je l'avais préparé, j'avais noté. Hein, je vous montrais, mais... Et du coup, tu la connaissais par cœur. Oh. Alors évidemment, quand tu fais ça, quand tu humilies Flash, quand tu casses un panier de basket en faisant une sorte de Jordan jump, évidemment, bah là, ça te rapproche de Gwen. En fait, à un moment donné, là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que, au lieu d'être super-héros, il n'entame pas une carrière dans le basket, quoi, parce qu'il pourrait. Et c'est, putain, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, vas-y, mais il a qu'à faire ça. Après bah ça, il est tranquille. Meilleur sportif de la vie. C'est sans compter que ce tonton va se faire buter pour du Uplay, quoi. Ah oui. C'est pour ça. C'est vrai. C'est vrai. Et alors, c'est important le Yoplait. Vous répondez du Yoplait, je trouve que c'est. Ce qui va amener, ce qui va amener l'amourette du lycée la plus rapide du monde, c'est-à-dire que Gwen passait du stade à je ne te connais pas à veux-tu sortir avec moi. Ah non, c'est discret. Hein. Ouais. elle va très très vite, donc eux ils vont se rapprocher. Et alors là vient le moment où ils vont aller tester l'équation, puisque du coup lui il retourne chez le chez machin Connors. Oui. Et alors. Attends, moi je voudrais parler de cette machine à tester l'équation. Putain, alors parce qu'en fait, c'est-à-dire que le mec arrive avec une équation, lui il la teste et il y a une machine qui va simuler les effets sur un rat, voir si ça marche ou pas. Mais pourquoi il a pas un moteur qui calcule plein d'équations pour les tester pour faire des rats Surtout parce que, pourquoi il teste pas directement sur une simulation d'homme. Tu vois, plutôt que sur une simulation de rat. Sachant que c'est des simulations. Non mais en plus, normalement comment ça se passe? Parce que j'ai fréquenté des labos de biostatistique, je suis médecin. Normalement, c'est des mecs qui ont des super ordinateurs. Ils font une simulation, ils font alors comme ça, tac tac, et ils mettent 8 heures à lancer le programme. Ensuite, ils font on se revoit dans 4 semaines le temps que ça tourne. Et après ça, t'as pas du tout une réponse oui-non quoi. Tu vois, c'est genre un truc méga compliqué avec des probabilités. Et là, ils ont une machine avec un rat en 3D et il fait Peter, mets l'équation. Et là, le mec il appuie sur des touches en 3D. Et là, tu vois un rat qui fait chut, et la patte du rat elle se remet et fait. Et là, de seul coup, tout devient vert, parce que c'est vert quand ça marche. Ouais, bah, là, ça fait « Equation successful ». Le gars qui a codé le truc, il s'est dit « Bon, alors je mets une petite image de rat, là, je mets une petite image de rat mort pour quand ça va foirer, et après, le petit image de rat vivant, ça, c'est quand ça marchera. On va être contents. » Surtout que le robot, il fait un essai à la seconde, quoi. Il fait « Raté !» Réussi. Putain, essaye ça encore. Doit être super long, heureusement. Pour le film, c'est réussi depuis la troisième fois. Et alors là, malheureusement, il va arriver en retard pour Tati. Ça, oncle Ben, ça va l'énerver. Il y a le riz trop cuit et le fait qu'il arrive en retard. C'est les deux trucs qui l'énervent, oncle Ben. Vous avez pas trouvé ça bizarre, là, les trois noirs américaines qui faisaient Uncle Ben. Le gospel, là. C'est toujours un succès. Et alors là, Peter Parker, il va fuguer. Il va casser une vitre d'abord. Ah oui, il va casser une vitre. Et personne ne lui dit toujours rien. Non, mais c'est clair. Moi, j'aurais dit, ah, mais attends, mais tu viens de péter la porte. J'ai pas mis un bout de carton, quoi. Scotch un bout de carton, quoi. J'ai pas pour la vitre. Ça, c'est normal. Dans tout le film, Spider-Man, il est. Enfin, ah, mais déjà t'as niqué le lavabo, là. On a quand même une fuite depuis 3 jours. Et maintenant, tu pètes la porte d'entrée, quoi. Il fait une crise d'ado. Enfin, voilà, quoi. D'ailleurs, Peter, on voulait te demander, il y a de l'eau qui coule de ta chambre depuis ce matin. Mais pendant tout le film, il va vraiment faire des trucs de connard et personne lui dit et personne ne dit rien quoi. C'est un gros connard, cherchez le mot. Ouais. Non moi, mais je me connard. Dis, c'est un film générationnel, la musique et tout. Les gamins, ils se disaient, hey, maman, je t'emmerde, je vais claquer la porte, je vais te faire des fuites. En vrai, ça se passe pas comme ça. Hein. Quand tu vis avec ton tonton, tu claques la porte et pète. Tu vas te chercher par la peau du cul. Ah, mais tu as envie de la vie que t'as fait là ou quoi? On a vite. C'est tonton qui te claque la porte dans la gueule. Hein. Bah, ceci dit, moi j'ai vu les scènes coupées parce que j'ai pris le DVD complet. Il va quand même au roi Merlin hein, pour changer la porte. Ça a été coupé parce que c'est long. Il était dans les bouchons en plus. Puis il s'est trompé de modèle. Il a dû y retourner parce qu'il a racheté les mauvais joints. Alors pas les bonbons. Les bonbons. Ensuite. Bon, pas de chance. Papy, lui, il s'inquiète quand même parce qu'il s'inquiète quand même pour le petit et du coup, il va le chercher. Il va le chercher. Et là, on est dans la ville la nuit et c'est mal famé. Ils sont dans le Bronx. Ah, lui, il était en train d'acheter tranquillement un Snickers. Non, il s'est acheté du lait chocolaté. Ah oui, pardon, excusez-moi. C'est du cacolac en fait. Il voulait acheter du lait chocolaté et bam, il y a un méchant qui est là et bah, balle perdue, je vous passe les détails. En tout cas, tonton se fait buter. Non, mais qui est pas si méchant que ça parce qu'en fait. Il a volé quand même 30$ et 6 bières, le gars. C'est ça. Et il lui a donné une. Et il lui a donné son cacolac parce qu'en fait il pouvait pas payer son cacolac, il avait pas assez de liquide. Enfin, tonton il dit rien à son neveu quand il claque la porte. Par contre, quand il y a un mec avec un gun qui vole du chocolat, il fait oh papa, je vais faire la justice et bam, une bastos. Bon, on peut rue comme ça. Lui, attention parce que le voleur là. Lui, il hésite pas à tuer pour 30$ et 6 bières, quoi. C'est-à-dire que... En pleine rue. Alors, la police a fait un portrait robot de lui, hein. C'est Breakbot, hein. De toute façon, tu voulais lui, c'est avec quelques cheveux longs et des lunettes de soleil. Et de perdre son oncle, Peter, il va un peu se renfermer sur lui-même. il va aller tabasser des junkies Cirque du Soleil. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Ah oui, si, parce qu'à un moment, il va dans les rues et là, il va aller taper des manos et d'un seul coup, tout le monde est Yamakasi, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais surtout, mais alors... il monte sur le toit. Genre, lui, il fait Cirque du Soleil, mais les mecs, ils se téléportent en fait. Ils montent d'un coup ça, c'est trop mal fait parce que lui, il a des pouvoirs de ouf, il peut s'accrocher partout et les mecs lui collent au bas, comme s'ils avaient eux. Non, mais c'est les mecs qui se sont fait piquer par l'araignée aussi. C'est les mecs du labo. C'était la maintenance dans le truc. Oh, j'ai encore renversé. Mais. Qu'est-ce qu'il y a? J'allais dire quelque chose, je ne savais plus du tout ce que c'était. Alors, on va faire un effort. Bon, ensuite, on avance rapidement. Ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'en fait, Peter Parker, il est un peu emmerdé parce qu'en fait, il cherche le chevelu à lunettes de soleil qui a tué son oncle. Mais il se trouve que tous les délinquants de New York ont des cheveux longs et des lunettes de soleil. Du coup, le seul signe distinctif, c'est un petit tatouage, un petit losange tatouage sur le poignet. Heureusement que c'était pas un papillon sur la fesse. Hein. C'est pas un peu stigmatisant, ça, quand même, pour les gars de New York, quoi, tu vois, genre t'es bleu. Pour les chevelus. Ouais. Ouais. Je trouve ça. Et d'ailleurs, j'avais jamais remarqué, tu portes tout le temps les lunettes de soleil. Ouais, bon, après, il se passe plein de trucs. Il passe à travers le toit. Montage, malchance. Montage, construction électronique, où là, il va se faire les petits machins pour voler. Mais en plus, c'est même pas bien expliqué. Qui est dans le film. Et puis comment il se procure ça? Genre, il a vu ça dans le labo secret. Ouais, c'est ça. En fait, il tombe. Non, mais en fait, on parle de la scène où il tombe sur le ring de catch. Ouais. En fait, il voit un gros masque catcheur, luchador. Voilà, ce qui va lui inspirer en fait son masque de Spider-Man. Heureusement qu'il est pas tombé dans une école de danse. Quoi. Il aurait fini en tutu, quoi. Et alors là, il y a un truc. Ah ben le bâton, c'est important. D'un seul coup, il a une super intelligence. Mais les araignées, c'est pas super intelligent. Genre, à seul coup, le gars, il se met à créer des putains de machines et tout, ça a aucun sens. Et il a une passion pour le spandex. Alors ça, bah tu la partages aussi. Tu viens tout le temps habillé en spandex monochrome. J'ai une question, en fait. Et du coup, il devient Superman. Spider-Man. Ah oui, Spider-Man. Ah ben on n'a pas Superman, vu. Superman, il a un caleçon. Ah ben, c'est pas piqué par une chauve-souris. C'est pas le film avec la cape. La cape. Pourquoi il met pas de cape, Spider-Man d'ailleurs? Pour en mettre une cape, ils ont tous. Bah non, c'est hyper encombrant. Hein. Surtout pas une araignée, ah, c'est un bas de cape. C'est quoi? Une araignée, c'est pas de cape. Oh, ils ont au moins respecté ça. Par contre, l'araignée, c'est rouge. Ouais. Oui, c'est rouge. C'est vrai. C'est rouge et bleu avec les lunettes de soleil. Alors, ensuite, il y a un petit passage où lui, du coup, il rentre super tard, il rentre super débranle. Dès que sa tante, elle vient le voir, elle fait écoute, tante, mais commence pas à casser des couilles. Et elle est en bas de 2000, c'est-à-dire qu'elle vient de perdre. Du pain de viande là ou quoi? Il y a du pain de viande. Et, mais elle vient de perdre son mari et lui il va castagner des chevelus tous les soirs. Il rentre débranlé et il est super odieux avec elle, quoi. Donc elle, je pense qu'elle doit traverser une petite phase. Ouais, ça doit pas être simple pour elle. Elle vient de perdre son mari, elle se retrouve complètement seule parce qu'il est toujours fourré dehors, le gamin, quoi. Ouais, alors... Surtout elle s'inquiète pas, hein. Elle dit juste mais t'as ramené les œufs. En fait, c'est clair. Mais l'enterrement, en plus, on n'entend pas parler, quoi. Genre, il n'y a pas de condolé. Enfin, je sais pas, il n'y a pas l'enterrement du tonton là. Non, c'est pas un père, c'est un oncle. Donc, il n'y a pas l'enterrement. Il n'a pas pu poser un jour au lycée. Et là, ensuite, c'est le dîner que j'ai appelé le dîner des 1000 puntos, puisqu'il va aller bouffer chez ses beaux-parents. Et il fait tout ce qu'il faut pas faire. Hein. Alors là, il dispute avec le père. Et là encore, personne ne dit rien. C'est-à-dire que tout le monde va prendre sa défense, la mère, Gwen et tout. Ça se passe trop mal avec le père. Il garde ses putains de gants de skate à table. C'est alors qu'il est chez les méga riches. Bah d'ailleurs, elle lui fait. Enfin, le méga riche, le gars, il est. Enfin, c'est juste un inspecteur, quoi. J'ai pas compris. Ouais, je crois que c'est un capitaine, hein. Ouais, non, il est gradé, hein. Capitaine, ah oui, détrompe-toi. À New York, c'est pas mal, capitaine, hein. Puisqu'il a un duplex en haut de la plus grande tour de Manhattan. Non, le mec, il met pas l'épée, mais il est pas père, revanche. Visiblement. Hein? Non, mais je veux dire, il est gradé, quoi. Il est pas pervenche, il met pas des PV, il fait pas la circulation. Ah. On peut avancer? On saute et tape, ouais, pourtant. Et alors, ensuite, on avance, c'est la première attaque de Lizardman, l'homme lézard. On sait pas pourquoi il attaque, hein. Lui, c'est juste qu'il a. Puisque après. En fait, il perd. L'autre, il a, avec son équation, il est très content parce qu'il va pouvoir se faire repousser le bras avec du gène de lézard. Ouais. Donc, il se fait des petits shoots, des fixes de lézard. Et manque de chance, il supporte mal le lézard, du coup. Et, il se transforme un peu en lézard, ouais. Il se transforme beaucoup en lézard et il perd un peu le contrôle aussi, quoi. Tu vois, ok, il a plein de bras, il a récupéré ses bras. Bon, déjà, il se dit pas, ok, c'est cool, j'ai un bras, mais j'ai une tête de lézard maintenant. mais pourquoi Peter Parker, il a pas une tête d'araignée, puisque c'est le même procédé? On ne sait pas pourquoi. C'est la chance, hein. Ouais, c'est ça. Tu sais, la reine fait bonne bulle. Bonne bulle. Bonne chance. Je te présente Gwen. Ta Il est pas malin, super, il est capitaine. C'est pareil, la même question, pourquoi est-ce que l'autre il perd pas le contrôle quand il est en araignée? Et lui, ouais, il est tout le temps en araignée, l'autre il est obligé de faire des fixes de lézard. Lézard, là je comprends pas. Enfin, on comprend plus, c'est vrai que c'est à chier. Parce qu'il s'est pas fait piquer par un lézard. Donc ensuite il y a l'attaque de lézard, parce que alors, la première dose quand tu te fais lézarder, t'as envie d'aller sur les ponts et t'as envie de casser des voitures. Ouais, bah, une vie de lézard. l'instinct basique de lézard, quoi. Alors, si vous avez des lézards dans votre jardin, laissez pas traîner des petites voitures. Ils vont toutes les faire tomber. Et alors là, du coup, ce qui est trop marrant, c'est que ils vont se chercher mutuellement, puisque lui, Lizardman, il va vouloir tuer Spider-Man. Spider-Man, il va vouloir tuer Lizardman. Et vient le face-to-face au bureau entre le professeur Connors et Peter Parker. Ce n'est pas bien de fouiner. J'ai donné une semaine de vacances à toute l'équipe. Ouais. Tu ne devrais pas être en cours. Non, j'ai 2 heures de perm. J'aimerais vous poser une question. Comment un prédateur chasserait un reptile? Oh, il ne le fait pas. La plupart des reptiles sont au sommet de leur chaîne alimentaire respective. Ils règnent sur leur domaine. Ils doivent avoir leurs points faibles, non? Pourquoi cet intérêt soudain pour les sang-froids? Je pose juste une question. En fait, j'ai un truc pour l'école. J'ai des fiches de biologie à rendre. Hein? À cause de leur sang-froid, ils seraient plus vulnérables au choc thermique, enfin, peut-être. Il faudrait d'abord en attraper un. T'es au courant? On parle d'une nouvelle espèce à New York. Magnifique, de grande taille. T'es au courant, je vais être énigmatique volontairement pour te laisser sous-entendre que c'est moi que tu cherches. Et moi qui je n'ai pas compris que c'était toi l'homme araignée. Le bon, seul homme du monde qui fait des recherches sur les lézards. J'avoue. Putain, l'autre il met pas 2 points côte à côte, quoi. Fait, bon, je vais aller voir le professeur spécialiste des lézards qui avait un bras en moins et qui travaillait sur la mutation. Pour lui demander qui est ce nouvel lézard géant. Puis il se pose pas de questions là, il est super étrange le mec. Alors avant il était super sympa. Hey, tu veux un chocolat et tout. Ah oui, et j'ajoute que tout est cassé dans le bureau aussi. Ouais, et puis avant il avait une musique cool derrière lui. Maintenant il y a des gros violons bien graves. J'avoue, ça aurait pu mettre la puce à l'oreille à Peter. Putain, il est chelou la musique quand il parle maintenant. Puis surtout maintenant qu'il y a du soleil, il se met sur le balcon puis il reste immobile pendant 3 heures. Après, il fait. Il part à toute vitesse. Ceci dit, ils pourraient être potes, aller se faire des chasses à la mouche ensemble, quoi. Tu vois, ça pourrait très bien marcher. Ouais, mais la puce à l'oreille, il essaye de monter sur la jambe de Peter Parker en passant sous son pantalon. Qu'est-ce que vous faites dans le trou du mur, professeur? Alors, il y a un truc qui est cool parce que pour le coup, ça il l'a pas pris au lézard, mais pour un homme lézard qui devient complètement dingo quand il se transforme, je l'ai trouvé pas mal en construction de labo clandestin souterrain dans les égouts. Alors, ce qui se passe, c'est que lui il se fait des. Comme j'expliquais, il se fait des fixes de lézard et qu'après il a des descentes. Et il se tape des descentes de l'enfer. Des gueules d'up de lézard, mon pote. Le mec, c'est le zapoy total. Il se réveille dans l'égout à Walpé et il fait. Oh putain, j'ai peut-être été un peu fort sur la gauche. C'est à côté de lui, il y a 2 trans et tout. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais j'avais un bras, bon. Pourtant, il a un bras, tu vois, il en faut pas beaucoup. Non, il se tape. Et ce qui est marrant, c'est qu'il se retrouve à poil parce qu'il était. Il y a un moment, il garde sa blouse. Et il y a un moment, quand il se transforme, il garde sa blouse. Un peu comme Hulk qui perd jamais son slip. Il garde sa blouse. Et des fois, il se réveille dans les goûts d'aigle à poil et puis il trouve un peignoir. On sait pas comment. Et puis il rentre chez lui en peignoir. Bon, j'ai pas bien compris ce truc. Mais surtout, alors, dans les égouts, il s'est fait un labo secret, mais un truc, mais. Hyper vénère, je sais pas quand est-ce qu'il a pris le temps de déplacer tout ce matériel, parce que même en homme lézard avec une super force, faut faire une trentaine d'allers-retours quand même. Non, mais il a loué un camion. Il a loué un camion sur Opcar. C'est un homme lézard dans un gros truck. C'est bon, stop. Oh, il y a du soleil, je vais mettre au soleil le capot. Mais ils ont dû lui demander sa carte d'identité chez Robcar. Ils ont bien vu que c'était pas lui quand même sur la carte d'identité. Philippe, j'ai un lézard là qui. Est-ce qu'on loue au lézard? Vous avez plus de 2 ans de permis ou quoi? Mais sur son permis, c'est pas un lézard. Regarde, c'est le professeur Crumb. Oui, c'est bon, c'est pas grave. Alors, les égouts, c'est comme dans tous les films, ils sont hyper bien éclairés. Ouais, normal. Ça va permettre une attaque entre Peter Parker, puisque lui, il a cramé que c'était dans les égouts. Oui. Et là, il va être confronté à l'homme lézard dans les égouts. Alors, juste un petit truc. Il fait une grande toile d'araignée. Pour le coup, il fait ce qu'il aurait dû faire dans le grenier depuis le début, c'est-à-dire qu'il fait une grande toile d'araignée puis il s'endort. Bon, faut savoir quand même que Peter Parker n'a pas arrêté les cours. Et donc la nuit, il fait quand même justicier, donc il commence à être fatigué, il a des heures de sommeil en retard, hein, donc il fait une petite sieste. Et là, d'un seul coup, il tombe effectivement sur le lézard et là, il y a confrontation. Ah non, mais surtout, je sais pas si vous avez entendu l'excuse de Peter Parker quand à chaque fois ils lui disent mais tu devrais pas être à l'école, il fait j'ai 2 heures de perme. J'ai 2 heures de perme. Putain, mais attends, toi, en 2 heures de perme, t'as le temps de faire l'aller-retour, d'aller dans la tour la plus haute de New York avec les méga scientifiques juste pour faire un genre. Ça va? Non, mais c'est clair, le mec il passe du Bronx, il va à Manhattan, il fait l'aller-retour. En 2 heures en vrai, tu mets 6 heures pour faire ça. Quoi. Ah, bah le métro. Hein. En vrai, tu montes dans le bus et tu fais putain, faut que je fasse demi-tour là. Et alors là, ensuite, c'est pas de bol, puisque le professeur va savoir que c'est Peter Parker, parce que Peter Parker a laissé son appareil photo. Oh, bah heureusement qu'il avait. Là, c'est pareil, on n'avait pas compris. Il avait mis son nom sur l'appareil photo. Il a écrit Peter Parker. Alors... Parce que c'est vrai que moi, demain, je trouve un argentique dans la rue, je vois un prénom et un nom dessus, quoi. Ce qui me permet pas du tout de le rendre à la personne, je dis pas. Et ensuite, je fais. Oh bah il y a un nom prénom, il doit appartenir à quelqu'un. Non mais surtout en fait c'est probablement sa tante Camisson, mais elle met son nom sur tous ses habits. Dans même sur son costume de Spider-Man. C'était un slip. Tiens, j'ai brodé ton prénom sur ton costume tout rouge là. Oh, il en déteint un peu. Bah dis donc, ça se lave à 30 ce truc là. Bah t'es pas serré dedans. En clair, il fait son piège qui sert à rien quoi. Bah non, parce qu'il l'a vu 15 000 fois, quoi, ça sert de prendre une photo en fait. Ouais, enfin bon, c'est ses débuts, c'est le premier méchant qu'il affronte. Bah ça, c'est inutile, hein. Alors, vient l'attaque du lycée. C'est son début. Un moment où il tape un mec, il évite les balles, quoi. Il est déjà plutôt agile. Il y a un truc aussi, c'est que Lizardman, il va voir que c'est Peter Parker. Et du coup, il se dit, tiens, je vais aller l'attaquer au lycée. Donc déjà, il connaît bien le lycée de Peter Parker, il sait où c'est. Bah oui, c'est pas très loin de son égout. Et surtout, il y a un truc aussi... Il arrive par les chiottes. Putain, c'est ça son plan? Enfin, le gars, tu sais, il a un plan, démoniaque, tu vois, c'est de mettre que tout le monde devienne lézard et tout. Mais il fait, avant, je vais quand même aller attaquer le lycée. Tu sais, putain, pas autre chose à foutre, quoi. Tu t'en as rien à foutre, laisse-le, l'autre, il est tranquille. Bah, ouais, mais... Non, je veux dire que la baston dans le lycée, bon, elle est assez classique. Hein. Bon, tous les élèves s'en font. Mais alors, à noter qu'il arrive par les cabinets quand même. Hein. Il arrive par les égouts. Comme Hit. C'était le mec avec ses boulettes de viande qui était. Chance que personne n'ait été aux toilettes quand il arrive. Ouais. À un moment pendant Parce la baston. Il a pu, Elizardman. Ouais, mal entretenu, c'est vrai, il y a des lézards partout. Un moment pendant la baston, il se retrouve dans le labo de chimie et lui il est planqué et le lézard, le méga lézard à la livre devant la paillasse là, et il prend strictement les deux produits qui sont devant lui. Il va pas chercher loin, il prend les deux, il regarde vite fait, yes, si je les mélange ça va faire une bombe. Normal, tu sais, dans les lycées on laisse souvent les deux produits qui font une bombe à côté, il le mélange et bam, il balance la bombe. Et surtout le mec le repère à la couleur, vert comme ça, bleu, ouais. Ah bah ces deux trucs là ça doit faire une bombe, vert et bleu. Coup de chance, c'est les seuls qui avaient sur la paille. Ça, c'est ce qu'on appelle la super intelligence en chimie des lézards. Voilà. C'est bien connu. Ah bah oui. Donc le prof les entraînait à faire des bombes. Ouais, c'est ça. Après, il y a Stan Lee. Ça, c'est cool. C'est un des trucs marrants. Dans la bibliothèque. Ah oui, c'est le mec avec les. Ah, il apparaît dans c'est les bibliothécaire en fait. Tous les caméos. Il écoute de la musique classique et à l'arrière-plan. Ouais, ça m'a fait rire ça. Ouais, c'est le seul truc qui m'a fait rigoler avec le réveil. J'avais pas compris, j'avais pas vu. Et ensuite, tu mets pas le son toi sur tes films, c'est pour ça. Spider-Man va partir à la poursuite du lézard qui s'enfuit et il va tomber sur son labo secret. Et alors Lizardman, il est malin, puisqu'en fait, pour bien se souvenir de ce qu'il fait, il fait des vidéos confessionnelles à lui-même où il explique son plan à lui-même en vidéo pour que quand il y a un mec qui arrive, il est juste appuyé sur barre espace et ça fait alors mon objectif secret c'est d'aller dans la tour qu'elle a. Mais c'est même pas le méchant qui lui dit bien, il fait des vidéos à lui tout seul. J'y vais à 16h. Sachant qu'il fait des vidéos comme mémo en fait pour se souvenir de ses trucs, sachant qu'à chaque fois qu'il se transforme en lézard, il devient dingo, il nique la caméra. Et en plus, le truc qui est hyper drôle, c'est qu'il fait une vidéo filmée de face où il explique son plot et à côté ça lance une deuxième vidéo en 3D où il y a une illustration 3D de son plan. T'sais. Le mec il a dû passer des heures avec 3DS Max. Alors attends, je vais mettre un effet vapeur. Alors comment on fait? Entre l'autre qui met son nom sur son appareil photo d'investigation et l'autre qui fait des on est mal barré. Hein. Et alors ensuite c'est l'attaque finale. Alors qui explique le plan du méchant? Oh là. Vous pas battez moi. Pas. Bah en fait la première fois que Peter Parker il vient dans le labo, il voit une machine qui diffuse des gaz pour diffuser des médicaments, plein de trucs. Vous voyez pas mais on fait tous signe à Michael. Michael s'il te plaît, c'est pas le bonsoir de faire ta blague. Et donc là lui son plan c'est de diffuser le truc pour transformer tout le monde en lézard. Parce qu'il se sent seul en fait. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il veut se choper une meuf lézard. Non mais en vrai, ouais. Ça a aucun sens. Non, ça a aucun intérêt. Moi j'avais. En plus, t'es tout seul à avoir une super force, bah tu fais bah vas-y, je vais pas le donner aux autres, tu sais. Puisqu'après, il va y avoir des lézards flics qui vont venir m'arrêter. Non mais moi dans ma thèse, il y aura marqué, plus de place en terrasse au soleil. Ils sont tous en train de lézarder. Bon, excuse-moi. Et donc du coup, son plan? Bah ouais, du coup, il diffuse le gaz sur la tour, tout au-dessus, quoi. Genre, il pourrait diffuser ça dans, je sais pas, les aérations ou quoi. Non, tout au-dessus, c'est plus pratique. À New York aussi. Donc là, il faut aller sur la tour la plus haute de la ville. Non, mais moi, pour les raisons de scénario, dans ma thèse, j'avais marqué film de merde. Voilà, c'est tout. Bah là, franchement, c'est assez nul comme plot. Et alors, du coup, il faut aller là-bas. Malheureusement, Spider-Man, il a été ralenti, il est blessé. Et puis, c'est 23h, donc il y a les méga bouchons. Les méga bouchons de 23h de New York, c'est bien connu. Et là il y a un extrait, puisque du coup là ça devient médiatisé, il y a les médias et tout, et on voit un extrait à la télé où le speaker il fait Spider-Man se dirige vers la tour pour désarmer le gaz machin, on ne sait pas encore pas s'il va y arriver, tu sais, genre putain, comment ils connaissent le plot du film. Tu sais, c'est limite s'ils disent pas j'espère qu'il va bien ça va bien se passer avec Gwen quand il va rentrer. Et sa tante quand même. Est-ce qu'il a pensé à prendre les œufs? Et là, il va y avoir, puisque du coup, Spider-Man, on sait pas pourquoi, mais d'un seul coup, il peut plus y arriver, il arrive plus à faire son. Ah, il s'est fait blesser. Tirer dessus à la jambe. Ouais. Et là, il y a les ouvriers du bâtiment qui vont aligner les grues pour qu'ils puissent enchaîner jusqu'à là. C'est quand même bien d'avoir des plots dans le BTP, quoi. Ça, je préfère te dire que ça marche que dans un pays libéral où les mecs sont à 23h. Hein, parce que là, tu vas à Saint-Denis et va mettre les grues droites, il n'y a personne qui bosse. Bah, déjà, même à 11h, quand ils bossent, il n'y a qu'une grue sur deux qui fait ça. Et surtout, il ne faut pas des ingénieurs pour un peu réfléchir. Ah oui, alignement parfait. Là, c'est genre... Trop de chat, il y avait une grue à chaque, à chaque pâté de maison. Puis, c'est ça, il y a gros travaux à New York en ce moment. Puis tu vois, t'as le moment où il tombe et tu sais pas s'il va réapparaître. Et puis là, il revient, musique. Putain, là, j'ai cru qu'il y avait le soldat Ryan qui allait arriver. Oh putain, ouais, America! Mais moi, dans mon souvenir, il était pas si nul que ça, l'autre Spider-Man. Il avait pas besoin de grue pour traverser New York, il se débrouillait, non? Alors, tiens, il y a un truc que je me disais d'ailleurs. À l'époque, Spider-Man, il faisait tout seul, hein. C'était fait maison, hein. Voilà. Bah, alors, je me disais un truc justement. Heureusement qu'il habite New York, Spider-Man. Parce qu'il habiterait Sochaux, c'est beaucoup. Ce sera plus compliqué pour se balader quand même, parce que t'as pas des gratte-ciels là. C'est genre, vous avez pas des grues? Bah non, il y a des moisse-battes là, mais je sais pas si ça va servir. Ou en Hollande avec les moulins. Alors un point musique d'ailleurs, puisqu'on m'a fait la réflexion, on disait ah vous parlez pas assez des BO, alors il s'avère qu'en plus moi je suis fan de musique de film, donc maintenant je vais faire des petites parenthèses BO musicales. Voilà, dans ce film là c'est de la merde. Voilà, c'est vraiment de la très mauvaise musique épique, je sais même pas qui l'a composé, je l'ai vraiment trouvé sans âme. Non mais là bon. La première trilogie c'était Danny Elfman quoi. Ouais, déjà en plus les premiers Spider-Man sont vachement cool. Ah ouais, et puis en général les trucs Marvel c'est pas mal. Alors, putain, c'est pas Richard Gottener, vraiment nul quoi. Non c'est Danny Elfman. C'est Richard Cochian qui a fait le. Ensuite vient le 1v1 final sur le toit, hein, comme d'hab. Ouais. Beau papa à la rescousse à base de shotgun munitions infinies. Ah là, moi j'ai un truc, c'est que. C'est le chef de la police, on est d'accord. Il a le SWAT, il a les hélicos, tout ça. Je crois d'ailleurs, il a le swag. Il a la moustache, quoi. Et il a le seum. Ouais, trop. Et puis. Et puis, il débarque tout seul, tu vois. Il veut montrer qui domine. Voilà, il veut montrer qui c'est qui domine. Bah, en même temps, j'avoue que lui, il est valeur. Hein. Putain. Direct, hein. Déjà, il aimait pas Spider-Man parce qu'il trouvait qu'il avait pas assez de valeur. Après ça, il a vu Spider-Man, il a des valeurs. Et après ça, il fait moi aussi, je vais y aller tout seul. Ouais, il y a un Morphe au-dessus. Shotgun, munitions infinies, c'est important. Ouais. Bref, ils vont latter le méchant, ils vont désamorcer la bombe. Tout est bien, qui finit bien. Et voilà. Si t'avais une petite réflexion quand même, on l'a déjà dit ou pas sur le produit là, le produit qui parce que du coup ils vont diffuser l'antidote. C'est, sauf Spider-Man, c'est quand même incroyable. Ah ben ouais, putain, oui, ça soigne tout le monde en fait du truc lézard. Enfin, c'est dans l'explication, ça soigne des mutations. Alors pourquoi Spider-Man, il est encore avec l'araignée, tu vois. Surtout, pourquoi du coup le mec d'avant, dès qu'il voulait être lézard, fallait qu'il se mette des shoots et d'un seul coup, c'est permanent. Ouais, bah ça c'est. Bah c'est permanent, on sait pas parce que les eaux étaient contaminées 5 minutes. Si, on sait, c'est permanent. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur ce film? Ouais, moi. J'ai vu dans les anecdotes que ça aurait pu être réalisé par Wes Anderson. Je sais pas ce que ça aurait été fait. J'aurais kiffé voir ce film. Peut-être un petit truc nul comme quand des films de super-héros aussi, quoi, non? Ah, apparemment, ils hésitaient entre... Il en a jamais fait. Non, mais il aurait fait des trucs avec des plans 2D et tout. Green Hornet, c'est français. C'est Michel Gondry. Gondry, c'est ce que je viens de te dire. Oui. Non, mais non, il a dit Wes Anderson. Wes Anderson, ça ferait un truc nul comme quand Michel Gondry fait. Oh les gars, je vais pas tout réexpliquer. Mais je crois que ça s'est joué entre Wes Anderson et Claude Zidi. Ti, quelque chose à dire? Non, c'était bien de la merde. Et voilà. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, une fois n'est pas coutume, et comme il faut accueillir les invités comme il se doit, du coup, c'est Jonas qui a un petit peu mouillé le maillot et qui va faire le... C'est parce que t'as eu la flemme de le faire, c'est ça? Bah, j'étais en week-end à Dijon, écoute, voilà, j'ai pas eu le temps. Pour m'entraîner. Ah oui, un truc aussi qu'on m'a dit dans le sondage, on parle pas assez du club de Dijon qui va monter, là, d'ailleurs. En Ligue 1, bien sûr. Oui. Ah oui, alors, on fera un point très régulièrement sur leur avancée dans le championnat. Dans la compétition, bien sûr. Ce serait une rubrique de 20 minutes au milieu de 2 heures d'apéro. Jonas, tout écoute. Alors, du coup, on va partager un peu les critiques. Moi, j'en ai une déjà. Je commence par 0 étoile. Oui, je vais en faire 2 à la fin. C'est Captain Sinoche. Donc, bon, il n'y a pas de titre. Il fait un reboot version Kikoulol destiné aux incultes et adolescents boutonneux, bourré d'effets spéciaux qui seront de plus bel effet sur les téléviseurs 3D exposés à la Fnac. Le costume de Spider-Man est certainement plus réussi. Le problème, c'est la tâche qui est à l'intérieur. Il n'y a pas de doute. Ces acteurs sans charisme ne font pas le poids face à Tobey Maguire. Tu fais super bien l'accent belge. Et voilà une info. Le côté positif de ce blockbuster, c'est qu'il permet de mieux apprécier l'excellente trilogie de Sam Raimi. Objectivement, ce film aurait mérité 1,5, mais la contrefaçon d'un film sorti il y a 10 ans ne mérite pas mieux qu'un 0 pointé. Voilà. Pareil que lui. Après, il y a Sylvain V. Lui, c'est excellent. Alors lui, je crois qu'il aime pas trop le film. The Amazing Spider-Man est un film d'une redoutable efficacité rafraîchissant, des séquences d'action très spectaculaires, des effets spéciaux époustouflants, un casting incroyable et une mise en scène bien détaillée, une bande-son rythmée digne d'un Spider-Man. Un scénario original, très chargé, bourré d'action, une histoire truffée d'humour, de la romance qui se fait voir entre Peter et Gwen, encore meilleure que celle de Sam Raimi, une beauté à couper le souffle, 137 minutes de grand spectacle, divertissement extra large garanti. Il a raison, hein. Ah oui, oui. Alors après, j'en ai un petit. Alors, lui, c'est le mec qui finit ses phrases très précisément. C'est Nagaruju R. Excellent. La légende renaît. Spider-Man est de retour. Alors le lézard n'a qu'à bien se. Très beau film. Les sentiments et les émotions du jeune Peter Parker. En tant que Spider-Man, les effets spéciaux sont très réussis. L'humour est un des grands points forts du seul point faible. Donc, et je finis avec Don Quixote. Ouais, il y a un X. Et c'est 5 étoiles, chef-d'œuvre. Amazing. La première heure est à mourir de rire. Le mec est pas un héros bisounours, il est juste parfait. Pas un mec qui pleure comme une madeleine parce que sa copine l'a plaqué. Et les combats sont juste épiques. Franchement, je vois pas comment la critique a pu le trouver moins bon que la trilogie originale. En même temps, vu qu'ils sont surestimés comme pas possible, franchement, comment peut-on dire que la trilogie de Raimi était mieux? Tobey Maguire était pathétique. Il pleurait tout le temps. Il avait rien d'héroïque. En plus... T'as rien, Eric. En plus, il était vraiment moche. Alors qu'Andrew Garfield est bien plus dans l'esprit des comics, avec un Spider-Man déjanté, marrant, pas une nerd pleurnichard. Pareil pour Emma Stone, qui est mille fois mieux que l'autre cruciate à mourir. Que ce soit le personnage ou le physique. Le seul point positif chez Raimi était le méchant, qui je l'accorde meilleur que le lézard. Mais dans l'ensemble, cette version de web surpasse très nettement celle de Raimi. Et est le plus proche de l'esprit du comic. Voilà. Bon, alors moi j'ai deux commentaires quand même. Je me suis dit, je vais quand même en faire deux parce qu'il y en a deux. Lui, j'aimerais vraiment l'avoir en père. Point comme la pleurnichère de neige. Regarde ta soeur qui ferait pleurer encore. À 4 ans, pleure pas. T'es pas héroïque. T'es pas héroïque. Alors moi je suis allé voir un petit peu du côté de Amazon. Ah, il y a toujours des choses intéressantes. C'est mieux normalement sur Amazon. Non, ça dépend, ça dépend. Là j'en ai un tout petit qui est très mignon. C'est Seniez qui titre cadeau Noël. Hein. Qui dit bon, pas beaucoup de commentaires à faire, si ce n'est que cela a beaucoup plu à mon fils, âgé de 37 ans, 5 étoiles. Et enfin, puisque ça faisait longtemps, j'ai quand même. En même temps, ça va, puisqu'il vit à la maison. Lui, c'est clair qu'il vit à la maison et il m'a des DVD toute la journée, quoi, tu vois. Puis là, il doit avoir un. Mais tu es pas allé chercher un travail cet après-midi? Tais-toi, maman. Je regarde Spider-Man. C'est qu'on me dérange pas quand je regarde Spider-Man. Mais t'as pas en pyjama là. T'as pas enlevé ton pyjama. Mais c'est la deuxième fois que tu le regardes aujourd'hui. Tais-toi. Ah, je dois rembobiner. Oh, moi j'essaye toujours. Toile. Alors, j'ai quand même, bah, puisque ça faisait longtemps, j'ai pris le commentaire de fan de coach qui a adoré The Amazing Spider-Man. The Amazing Spider-Man. Alors, quel chef d'œuvre absolu. Bah non, figure-toi, ça commence par. Ah, il a changé son intro. Ouais, ça commence par The Amazing Spider-Man. Vu en avant-première au Grand Rex, en compagnie de l'équipe du film. Déjà ça, c'est juste énorme. Et ça vous annonce, et ça vous annonce une soirée exceptionnelle. Mais alors quand le film est juste incroyable, c'est tout que du bonheur. Car franchement, c'est un excellent remac. Moi qui adorais la trilogie de Rémy, je trouve que cette nouvelle série commence avec de très bonnes bases. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que Mark Webb a un regard de plus jeune et dynamique pour ce renouveau. Déjà, il n'y a qu'à regarder les acteurs. Ils ne sont pas forcément connus, mais je peux vous dire qu'ils ont du talent. Ils sont super connus, c'est Baston, elle est méga connue. Andrew Garfield est parfait dans le costume de l'homme araignée. Il apporte un côté jeune rebelle avec de l'humour et de l'émotion. Il se reproche plus de la génération d'aujourd'hui. Il se reproche, hein. Et le reste du casting. Surtout, il espérait quoi, un mec de 55 balais? Oh, c'était un parti pris. Michel mais Blanc. Michel Blanc. Et le reste du casting n'est pas sans reste. Emma Stone, Rhys Ifans, et ils sont tous très bien. Après, côté scénario, cet opus n'apporte rien de nouveau. Juste une épice qui n'exploite pas encore à fond le passé des parents de Peter, un certain complot. Ça a l'air intéressant, mais on attend des réponses, dommage. Car sinon, l'histoire est très bien ficelée, l'univers est posé, les personnages évoluent bien et ils deviennent attachants. J'ai bien aimé les relations avec les personnages. L'histoire d'amour avec Peter et Gwen est un peu à l'eau de rose, mais elle est très amusante. Et donc il finit par « Et le méchant est bien conçu, en mélange entre Docteur Octopus et le bouffon vert. » Conçu. Quel con. Sinon, les scènes d'action sont stylées et classe. Dommage que les pouvoirs de Spider-Man sont pas encore exploités à son maximum. Surtout au niveau. Il est vraiment ouf. Surtout au niveau des prises aériennes. Mais c'est compréhensible, Peter est encore novice. Et le tout est appuyé par une réalisation très efficace et immersive, car on a le droit à des vues de la première personne. Bon, les effets spéciaux sont soignés, mais pas encore si spectaculaires. Et pour finir, les musiques signées James Horn sont vraiment énormes et donnent un côté épique. Donc voilà, les basses sont en béton. Maintenant, on en veut plus pour le prochain épisode. 5 étoiles. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du fan. Ah, c'est vrai. Du fan de. Et ça fait du bien. Ah, il m'avait manqué, hein, franchement. Mais putain, il habite Paris, mais il est incroyable ce gars. Il faut l'inviter, hein. Ah, j'ai fait une petite recherche, il est prix Nobel, hein. Je me doute, ouais. Il est doctorant, ouais. Basique. En recherche de lézard. Non, mais il est critique cinéma, je pense. Il travaille pour les Cahiers du cinéma. Voilà, c'était notre avis sur The Amazing Spider-Man. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du prochain film choisi par T, qui est Citizen Kane. Citizen Kane, c'est à peu près le même film. Hein. Oui, ça vaut. Ouais, c'est très proche. Même époque. On aurait pu faire les deux d'un coup. Moi, je trouve que Citizen Kane, il gère mieux ses pouvoirs. C'est pas mal pompé quand même. Hein. C'est vrai que c'est pas mal pompé. Bien ficelé. Voilà, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Citizen Kane. Et je vous dis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, ciao. Ciao.